Elle chuchote. Ses larmes se mêlent à ses mots. Elle se demande pourquoi. Pourquoi? Elle s'adresse à toutes les pierres devant elle, à ce mur. Elle les effleure, les caresse. Elle leur confie son secret pour qu'elle n'oublie jamais ce moment. Pour ne pas être seule à porter ça. Prends-moi la main. Montre-moi cet endroit, celui que je ne connais pas. Prends-moi la main. Ce lieu, je le retrouve. Je l'avais oublié. J'ai l'impression d'être une des pierres de ce mur. J'étais là. Nous sommes un tas à avoir entendu tes pleurs. Je suis coupable. Prends-moi la main. Montre-moi cet endroit, celui que je connais déjà. Prends-moi la main.